Chapitre 76e, les ramastiques. Les ramastiques sont des fripons qui, comme beaucoup d'autres, ne louent leur succès qu'à la cupidité des dupes. L'exercice de leur industrie suppose une association de 3 personnes, ou tout au moins de 2. Voici comment ils s'y prennent pour s'approprier le bien d'autrui. Dès le point du jour, ils vont se mettre en observation sur la route, dans le voisinage de quelques barrières, et là, ils examinent avec soin les allants et les venants, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé parmi eux un de ces individus dont la physionomie et le costume trahissent l'excessive simplicité. C'est un nigaud crédule et intéressé qu'il leur faut. Paysan ou non, un provincial, soit qu'il arrive, soit qu'il parte, fait toujours merveilleusement leur affaire, pourvu toutefois qu'il ne manque pas d'argent. Ont-ils aperçu, cet inconnu si désiré, l'un d'eux, ordinairement le plus insinuant des 3, l'accoste, et lui décoche adroitement une demi-douzaine de questions dont la réponse révèle indirectement à l'interrogateur la situation financière de l'interrogé. Ce renseignement obtenu, un signal fait connaître s'il est favorable. Alors, un second filou, qui a pris les devants, laisse tomber une boîte, une bourse ou un paquet, de telle façon que l'étranger ne puisse faire autrement que de remarquer l'objet quel qu'il soit. Il le remarque en effet, mais au moment où il se baisse pour le ramasser, sa nouvelle connaissance s'écrie par à deux. On s'arrête pour voir en quoi consiste la trouvaille. C'est ordinairement un bijou précieux, une bague richement montée, des boutons en brillant, des pendeloques, etc. Un écrit accompagne le joyau. Que signifie cet écrit? Presque toujours le nigaud ne sait pas lire. On se doute bien que le compère ne le sait pas non plus. Cependant, le papier peut donner des lumières utiles. Et il importe d'en connaître le contenu. Mais à qui s'adresser? On craint de commettre une indiscrétion. En attendant, on continue de marcher, et tout à coup, au coin d'une rue, on voit un homme occupé de lire les affiches. On ne saurait être servi plus à point par le hasard. « Parbleu, » dit le compère, « nous ne pouvions pas mieux rencontrer. Voici un monsieur qui va nous tirer d'embarras. Montrons-lui le papier, il nous dira ce que c'est. Mais surtout, gardez-vous bien de lui parler de l'objet, car il serait capable de vouloir sa part. » L'étranger est enchanté, il promet d'être prudent, et l'on va droit au lecteur qui se prête de bonne grâce au service que l'on réclame de lui. Il lit « Monsieur, je vous envoie votre bague en brillant recoupé pour laquelle votre domestique m'a payé 2725 francs, dont quittance. Brise-barre, bijoutier. » 2725 francs. Que l'on juge si l'énoncé de cette somme, dont la moitié va lui revenir, sonne délicieusement à l'oreille du rustre. L'obligeant lecteur, qui est le 3e affidé, n'a pas manqué de s'appesantir sur le nombre qu'expriment les chiffres. On le remercie de sa complaisance et l'on s'éloigne. Maintenant, il s'agit de prendre une détermination au sujet du bijou. Le rendra-t-on? Ma foi, non. S'il appartenait à un pauvre diable, à la bonne heure. Mais qui peut acheter des diamants si ce n'est un Richard? Et pour un Richard, qu'est-ce que 2725 francs? Une bagatelle qu'il a le moyen de perdre. Puisqu'on ne rendra pas, il est évident que l'on gardera, c'est-à-dire qu'on réalisera en espèces. Mais où réaliser? Chez un bijoutier? Le propriétaire de la bague a peut-être déjà fait circuler des avis. Et puis il est des bijoutiers si ridicules. Ce qu'il y a du mieux à faire, c'est de ne vendre que dans quelque temps. Le rustre comprend parfaitement toutes ces raisons. S'il y avait possibilité, on partagerait sur le champ et l'on se quitterait bons amis. Mais le partage est impossible et pourtant chacun a besoin d'aller à ses affaires. Véritablement, la situation commence à devenir inquiétante. De part et d'autre, on se frotte le front pour avoir des idées. « Si j'avais de l'argent, dit le ramastique, je vous en donnerais volontiers, mais je n'ai pas le sou. »« Écoutez, reprend-il, vous m'avez l'air d'un brave et digne homme. Je m'en rapporte à vous. Faites-moi une avance de quelques centaines de francs, et quand vous vendrez l'objet, vous me remettrez le surplus. » Il est bien entendu que vous retiendrez l'intérêt de la somme que vous m'aurez avancée. Par exemple, vous me laisserez votre adresse. Rarement une proposition de cette nature n'est pas agréée. Le rustre, séduit par la padinguin dont il cache l'arrière-pensée, vide sa bourse avec plaisir. Si elle n'est pas suffisamment garnie, il n'hésite pas à se défaire de sa montre. J'en ai vu qui avaient donné jusqu'aux boucles de leurs souliers. L'arrangement conclu, on se sépare avec promesse de se revoir, bien que des deux côtés on ait pris la résolution de n'en rien faire. Sur 20 paysans trompés de la sorte, 18 au moins donnent un faux nom à une fausse adresse. Et il n'y a pas lieu de s'en étonner, puisqu'ici, avant d'être dupe, il faut d'abord être fripon. Les ramastiques sont presque tous des juifs, dont les femmes se livrent aussi à ce genre de filouterie. Elles fréquentent habituellement les allées marchés, où elles exploitent la crédulité des bonnes et des cuisinières qui ont l'air de nouvelles débarquées. Une chaîne de jaseron en cuivre si bien doré, qu'il serait difficile de ne pas la prendre pour de l'or, compose la matière du moyen de déception dont elles font usage. Une de leurs victimes, c'était un cordon bleu, vint un jour se plaindre à la police. On lui avait extorqué tout son argent, ses boucles d'oreilles, son châle et son panier avec les provisions de la journée, laissées en garantie de 15 francs qu'elle devait rapporter. Comme celle-ci était de bonne foi, elle s'était empressée de tenir ses engagements, mais à son retour, elle n'avait plus retrouvé ni la femme, ni le panier, ni les provisions. Alors seulement elle avait conçu des soupçons, que la pierre de touche d'un bijoutier, consulté trop tard, avait pleinement confirmé. À une certaine époque, les ramastiques étaient si nombreux qu'ils se montraient à la fois dans tous les quartiers de la capitale. J'ai reçu dans la même matinée les deux époux qui venaient se plaindre d'avoir été ramastiqués, le mari dans le faubourg Saint-Honoré, la femme au marché des Innocents. « On n'est pas bête comme vous, » disait le chef de la communauté à son infortunée compagne. « Donnez votre chaîne d'or et 10 francs pour une chaîne de laiton. Vous avez bientôt fait une bête, comme cela vous va bien. Allez donc porter votre épingle au Mont-de-Piété, un morceau de verre. Et s'il vous plaît, monsieur ne se contente pas de donner l'argent qu'il a sur lui. Il faut encore qu'il revienne à la maison chercher 60 francs qui étaient tout ce que nous possédions, 2 couverts et sa montre. J'ai fait ce qui m'a convenu, ça ne vous regarde pas. Il n'en est pas moins vrai que vous êtes laissé gourer. Gourer, gourer, c'est bon, madame. Je ne me suis toujours pas laissé gourer par des commères. Et si vous ne vous étiez pas amusé à tailler votre bavette comme de coutume, si vous aviez passé votre chemin sans vous arrêter à causer avec le premier venu, je cause pour mes affaires, et vous, ah, vous en faites de belles affaires, aussi belles que les vôtres, j'espère. Allez, à présent, quand vous aurez une chaîne d'or, il fera chaud. La vôtre faisait pourtant 3 tours. Je crois que je vous en avais donné assez long pour votre fête. D'ailleurs, longueur ou non, vous devez en être contente. Mais il vous fallait 3 fois plus. Comme nous serons bien plantés quand nous aurons besoin de savoir l'heure. Taisez-vous, vous êtes une sotte. Que c'est donc bien fait, que c'est donc bien fait. On vous a attrapé, tant mieux, mon cher. Je n'en regrette qu'une chose, c'est que vous n'en avez pas pris davantage. Parbleu, vous ne m'apprenez rien de neuf. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me suis aperçu que vous ne teniez pas à l'intérêt de la maison. Le couple sortit du bureau en se querellant. J'ignore combien de temps la dispute se prolongea, mais il est à présumer que la réflexion mit un terme aux reproches mutuels. Dieu veuille que, pour rater le raccommodement, on n'ait pas été obligé d'en venir à des voies de fait. Lorsque 3 ramastiques sont ensemble, chacun d'eux a un costume adapté au rôle qu'il doit jouer. Celui qui accoste est presque toujours vêtu comme un ouvrier. C'est un maçon, un bottier, un charpentier. Quelquefois il simule l'accent allemand ou italien, et paraît s'exprimer très difficilement en français. S'il est âgé, il est bonhomme. S'il est jeune, il est niais. Le faux perdant se distingue par la longueur et la largeur de son pantalon, dont une des jambes sert de conducteur à l'objet pour le faire arriver jusqu'à terre. Le lecteur est ordinairement plus richement couvert que les 2 autres. C'est lui qui endosse la redingote à collet de velours et se pare du castor à longs poils. Longtemps, les ramastiques furent traduits en police correctionnelle, et le maximum de la peine qu'ils encouraient était 5 années de prison. Il me sembla que l'on devait établir une distinction entre eux, et que quand l'escroquerie avait été consommée à l'aide d'un faux en écriture, le délit prenait un caractère plus grave et tombait dans la compétence des cours d'assises. Je me promis de saisir la première occasion pour présenter à l'autorité judiciaire quelques observations à ce sujet. Elle ne tarda pas à s'offrir. J'arrêtai les 2 plus anciens professeurs en fait de ramastique, le nommé Balèze, dit Marquis, et son complice. D'abord, j'exposai mon opinion à laquelle on n'eut pas égard. On persistait à vouloir les traiter suivant la jurisprudence consacrée jusqu'alors. Mais je revins à la charge, j'insistai, et les 2 fripons, amenés devant le jury, furent condamnés, comme faussaires, à la réclusion et à la marque.